Vous n'avez ni les armes ni les équipes. Surveille le ciel comme Copernic quand je traverse à une éclipse. Je fais couler le sang mais je mange pas saignant. Elle raconte pas sa life quand c'est payant. Pow, pow, pow. Je dope avec l'endurance d'un Kenyan. Bien ou bien, je ramène la fraîche. C'est l'ophané, ça sort de la presse. Monde suisse, voiture, follow me. Trafic, dirige les opérations depuis la cellule. Je rentre sans capote et la street hurle. RAS, K2A, RIS. À part que quand je pisse ça me brûle. Madame est servie, elle veut monter dans le SVR. Les quatre pots font le cri d'un porc. Pris en chasse, mode sport. Nos vies c'est de vendre la mort. Le 93 d'une seule voix, dommage que les putes ne meurent qu'une seule fois. Je travaille le gab à la leça, dans deux secondes sera encore plus le ça. Grosse casse, gâchette, arrachage de sac, pétasse, conquête, toitage de chasse ici. Les diamants sont purs, ils sont vivis. Ça coupe, ça emballe et ça bibi. La main de Maradona et de Titi. Faut pas que tu déconnes, y'a les tapes et les hommes. Quand on le protège dans, comme dans une pompe. Ça vient trop froidir si ça sort le fer. Pris pour aller te réchauffer en enfer. Elle est pas fichée, elle vient des Balkans. Tout le monde recule quand je suis partant. Y'a trop de selfies à faire, gros j'ai pas le temps. Prenne ma chambre en photo quand je suis pas dedans. Je t'ai tellement bien viscère que tu penses à moi plus qu'à ta mère. Une grosse baffe et une gorge profonde. Je lui envoie tout sur les ganglions. En tout cas moi c'est ce que j'aurais fait pour réveiller Cendrillon. Je suis ce roi des filles défigurées, dont la couronne est fissurée. Le danger est toujours mesuré, dernière sortie, les lignes sont toujours épurées. Moins de blabla et plus d'action, Hugo. On doit remplir le frigo. Ils vont retracer la journée du crime et t'as pas eu le temps de changer d'auto. V6 plus V8 plus V10 plus V12 égale 36 quais compte. Sinon, monte sur mon fusil à pompe et pompe, pompe, pompe. Vous êtes des galériens, vous ne valez rien. Tu fais du bruit mais t'as pas un. Si tu gagnes la plus bonne des plus bonnes, tu en remercies pas son père mais le chirurgien. Le machin que t'as dans ton étui, on l'a dans le slip. T'es mort dans le script. Vous n'avez ni les armes ni les équipes.